France Inter, le 13-14. Il y a 80 ans, fin mai 1942, l'occupant allemand en France impose l'étoile jaune aux Juifs. Il cherche à restreindre leur liberté de circulation depuis un moment. Dès novembre 1940, l'occupant voulait confiner les Juifs dans le métro à la dernière voiture avec les nègres. L'initiative avait avorté. Comment identifier les Juifs ? Vint cette idée, Jean Lebrun, d'un marquage par une étoile de David. Les pays d'Europe orientale et centrale, comme souvent à ce moment de l'histoire, avaient servi de laboratoire des horreurs. Dès la fin de 1939, les nazis, en instaurant leur gouvernement général de Pologne, avaient obligé les juifs à porter un signe distinctif, un triangle jaune dans le dos ou un brassard blanc sur la manche. En 1941, l'étoile jaune fut imposée dans le Reich, en Alsace aussi, en Bohême-Moravie encore. Au centre de l'étoile figurait le mot « Yud » en caractère hébraïsant. Au printemps 42, la zone occupée en France va être à son tour concernée. Trois entreprises parisiennes, une de tissu, une de typo, une imprimerie, travaillent d'arrache-pied jour et nuit pour honorer la commande des Allemands. Le 29 mai, ceux-ci font paraître un décret applicable le 7 juin. Chaque juif devra acheter trois étoiles qu'il va coudre sur ses vêtements du côté gauche à hauteur de la poitrine. Et ce marquage s'inscrit dans la continuité des listes de recensement des juifs et c'est le prélude à la multiplication des interdictions. Le 27 septembre 1940, les Allemands avaient prescrit le recensement des juifs en zone occupée pendant que le gouvernement de Vichy préparait de son côté son propre statut des juifs, promulgué le 7 octobre, qui leur interdisait un grand nombre de métiers. L'étoile jaune va permettre de vérifier et de compléter les fichiers établis alors et d'introduire des salves de mesures arbitraires. Pour les juifs, plus de cafés, plus de salles de spectacle, de bibliothèques, de piscines, etc. Plus d'accès aux cabines téléphoniques publiques alors que les PTT débranchent leurs postes privés. L'hebdomadaire collaborationniste « Je suis partout » le 23 mai. Tous les juifs, sans exception, derrière des barbelés. Et l'écrivain Lucien Rebattet, courbé sur la terre de France et la pioche à la main. On sait qu'au bout du chemin, ce sont des camps d'un autre type qui attendent les contrevenants, mais aussi bien ceux qui obéissent à l'injonction. Dans la zone non occupée, le gouvernement de Vichy, cette fois, n'imita pas les Allemands. Alors, son commissaire général aux affaires juives, Darquier de Pellepoix, Carquois de Quelpied, l'avait pourtant recommandé. Mais Pétain et Laval ne souhaitaient pas alarmer l'opinion qui, pensait-il, aurait pu prendre parti pour les juifs. Il y eut bien de rares bandes de frénétiques pour débouler sur les boulevards afin de casser du juif, mais en effet, ce qui domina, ce fut plutôt la compassion. Quand les juifs, suivant la consigne, regardaient sans ciller les passants, ils trouvaient souvent face à eux des gens qui faisaient semblant de ne rien voir, indifférence apparente, mais généralement feinte, car dominait la honte d'être français dans de pareilles circonstances et la pitié. Quand ce n'était pas la complicité, combien d'hommes soulevaient discrètement le chapeau. Et on date généralement de ce printemps 42 et de l'été qui va suivre, la rafle du Veldiv, le glissement de l'opinion vers une plus grande hostilité à la collaboration. C'était insupportable de voir des enfants dès l'âge de 6 ans désignés ainsi, et les anciens combattants qui avaient cousu l'étoile et affichaient juste à côté leur décoration. Celui qui défendait leurs intérêts à Vichy, Georges Scapini, attira l'attention des Allemands sur cette contradiction, s'entendit répondre aussitôt « Vous n'avez qu'à refuser à vos anciens combattants juifs le droit de porter leur décoration, comme ça le problème sera résolu. » Un nombre difficile à évaluer mais appréciable de non-juifs arborèrent en guise de protestation une étoile jaune de leur façon. Au centre, ils avaient écrit des inscriptions provocatrices, Nénès de Montparnasse, Auguste de Montmartre, Zoulou. Je me souviens d'une vieille amie, Lucienne Portier, grande italianisante, alors professeure au lycée Sophie Germain. Elle afficha plusieurs jours une étoile. Sa proviseur était affolée, elle craignait la foudre qu'elle apportait. Et si vous permettez, une autre vieille amie, l'historienne Georgette Elget, sa mère, grande bourgeoise, un appartement de 12 fenêtres, avenue de Tokyo, ne s'était pas fait recenser. Ces lois ne sont pas faites pour des familles comme vous, lui disait-on, le maréchal ne voudrait pas. Au moment de l'étoile jaune, la mère de Georgette réussit par miracle à emmener tout son petit monde dans les Pyrénées. Et dans le petit appartement où j'ai connu Georgette, elle vient de s'y éteindre, ses seuls meubles, c'étaient les malles qu'avec sa mère, elle avait utilisé l'été 42. Jean Lebrun, le vif de l'histoire, tous les jours avant 14h. France Inter.